Bienvenue sur 69.3 FM Doc Babylon en direct de Los Angeles avec Chase et Casey LMNOP, plus précisément à Compton, Californie. Yo, ce texte est pour les jaloux, les haineux, les peureux. Ceux qui n'ont pas de rentrer dans vie, face qui restent chez eux à critiquer. Vite ta vie et reste en vie. Casey LMNOP, mais Casey les comprend. Ils travaillent fort, font pas d'argent. Ils travaillent fort, mais ils font rien. Pas bien, pas tort, ils ont tort. Critique pas Casey, Casey travaille trop fort. Il a jamais rien eu, mais toujours cru en lui. C'est pourquoi lui, Casey, est ici. Puis toi, là, c'est comme ça. Vite ta vie et reste en vie avant que quelqu'un prenne ta vie. Chut, parle trop. Sonne faux, oh, oh. Attention, je te mettrai KO dans tous les sens du mot. Oh, yeah. Hey yo yo, yo nigga, yo, hey, yo, man, give me that shit. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. Yo, y'en a qui ont dit à CK, Yuti, que Casey et de Ben Opie t'es mort à New York, mais ils ont tort à New York. Casey a trop de backup, pop top. D'autres à peau de la jalousie ont dit Casey a mangé le volet à Longueuil. Quelle connerie. La rive sud, c'est chez moi. J'y vis sans âme dans le camp comme un cercueil. Tant qu'à dire des conneries, grisons, disant qu'ils en font du sens, vous comprennent. Dit Casey s'est fait buster extone pour avoir passé les douanes avec 800 000 cash. Non déclaré ce gouvernement nonchalant qui, tranquillement, déséquilibre l'équilibre des jeunes des grandes villes qui tournent dans le vide comme une 10 billes. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. Si ce verset-là, qui est le dernier, est dédié à ceux qui partent des rumeurs, ceux qui bla bla bla bla. Mais moi, je comprends, là. Explique-moi. Trouves-tu le temps de partir des rumeurs, je comprends pas. Moi je me lève, je travaille. Je mange, je travaille. Je m'entraîne, je travaille. Je baise, je travaille. Je me lave, je travaille, je comprends pas. J'ai à peine le temps de compter tout mon argent en passant. Merci aux caissières de ma banque BNE du moins Champlain, qui sont toujours bien. Beau temps, mauvais temps. Contrairement aux tatas qui partent des rumeurs ou qui font vivre des rumeurs. Ah tiens, voici une rumeur pour les grandioles qui parlent tout le temps sans. Le numéro de téléphone de Casey LMNOP est le 339-0185. Bang, comme un gang bang. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? Bo, bo. Attention, je te mettrai KO. What you gonna do when it's time to bust? What you gonna do when it's time to bust? What you gonna do when it's time to bust? What you gonna do when it's time to bust? D'où vient l'idée de ton premier succès, ta gueule, vis ta vie et reste en vie? Qui est resté dans les palmarès pendant 5 mois. Ça vient de Tailleul réécrit tes textes Flex, une tune que j'avais dédiée au faux MC. L'as-tu avec toi, là? Oui. Aujourd'hui? Oui, je l'ai. Ouais. Tu peux l'écouter. Ok, mais on peut l'entendre. Tu veux l'entendre? Ok. Allez, JP, envoie la rythmique.